Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Dogmasique. Ici au micro, c'est Gloop. Et là, c'est un petit peu l'inconnu. Est-ce que c'est en train de passer? Voilà. Alors, apparemment, je suis connecté d'après le logiciel que j'utilise, mais comme je ne m'en suis jamais servi, j'ai besoin un petit peu d'avoir votre avis sur le chat. Alors, est-ce que ça passe? Là, j'ai l'impression de parler dans le vide, je ne vois pas grand monde sur le chat. Donc, un petit coup, un petit générique, et puis ça va partir tout de suite. Il s'agit cette fois-ci de faire des essais techniques, pas vraiment de fil conducteur. Donc, Gaillard par Pierre Attignan, un truc que j'ai enregistré au synthé en septembre, là. Ça dure à peine 24 secondes, mais on va se faire plaisir. Un peu de musique classique aussi. Si je pensais à ouvrir mon micro, ça serait mieux. Donc je disais, c'est à peine fini, je vous avais dit, c'était très court. Un peu de musique classique comme ça, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc il s'agissait de Gaillard, par donc une composition de Pierre Attignan, qui date de quand d'ailleurs, de 1530, voilà. Quelque chose que j'ai fait entièrement au synthé, et puis d'ailleurs j'ai complètement changé les instruments, normalement c'était prévu pour de la flûte. Donc, PELF qui est sur le salon, simplement la question, est-ce qu'on m'entend parler? Est-ce qu'on entend la musique? Je ne suis jamais servi de ce logiciel, donc je n'ai pas confiance dans la seule déclaration que c'est en train de passer. Je veux en être sûr, voilà. Donc, pas de fil conducteur cette fois-ci, donc j'avais pris une liste de lecture que j'ai préparée un petit peu au hasard. Il s'agit de savoir est-ce que ça passe, est-ce que le son est correct, est-ce que ça ne fait pas de gros pop dans le micro, est-ce qu'on m'entend parler, est-ce intelligible, est-ce qu'il n'y a pas de coupure, voilà tout un tas de choses comme ça. On voit bien du trafic qui sort sur ma machin truc box. En ce moment, les opérateurs internet, ils appellent tous leur modem, ils appellent ça des box quelque chose. C'est des boîtes à faire plein de trucs, mais bon, comme je n'en sers que pour me connecter à l'internet, il paraît que ça fait télévision, que ça fait visiophone, que ça fait téléphone et un tas de trucs comme ça, mais franchement, je m'en balance un petit peu. Alors, je vois que PELF vient me dire, effectivement, nickel, on m'entend parler. C'est parfait. Au moins, je ne parle pas dans le vide, en tout cas, quand je pense à ouvrir le micro, voilà. Eh bien, un petit peu de musique tout de suite, puisque ça a l'air de bien se passer. Je suis mort de trac, pourtant j'ai déjà fait de la radio, mais là, je suis vraiment lâché tout seul dans la nature, j'ai pas de canevas préparé d'avance, ce qui change absolument tout. Donc, on va prendre un peu de classique encore une fois, on va rester dans le classique. Stéphane Roger, qui, en avril 2007, nous avait enregistré un morceau qui s'appelle « Nicolas ». Nicolas de Stéphane Roger, un morceau qui est placé sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Voilà, bah oui, on peut aussi préciser sous quelle licence ça se trouve, puisque surtout pour ceux qui recherchent un petit peu les renseignements, qui prennent l'enregistrement de l'émission, par exemple, puisque l'émission est enregistrée, je crois que j'ai loupé le début. Hein. Enfin, je ne crois pas seulement, j'en suis sûr, hein, mais bon, là maintenant, c'est en train de tourner. Je l'enregistre seulement depuis 4 minutes. Hein. Où est-ce que j'en suis? Ah ben voilà, quand on n'a pas de fil conducteur et qu'on ne sait pas ce qu'on fait, ben on ne sait pas ce qu'on raconte. Voilà ce qui arrive. Hein. Ouais, c'est la punition en radio. Hein. Donc, c'est le grand trou. Ben voilà, et c'est le problème, c'est aussi le trac. Ah ben voilà, je me rappelle ce à quoi j'avais pensé. Puisque PLF est en ligne, peut-être que tu pourras me renseigner sur... un point au sujet du site Dogmagic. Il y a donc comme emblème une autruche et apparemment on l'appellerait le Gudrun ou un nom comme ça. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu as une idée de... Tu as été renseigné sur ce point? J'ai fait des recherches en fait sur Google et puis je n'ai rien vu de spécial. Ça ne se rapporte pas à quoi que ce soit de connu, quoi. Quand on cherche Gudrun, ben on tombe sur Dogmagic, voilà. Ça c'est et puis évidemment sur le logo. Alors sinon, bon, encore un petit peu de musique. Là cette fois-ci, on pourrait éventuellement changer totalement de style. Alors en ayant un niveau sonore de départ complètement différent, et sans rien toucher au curseur, je pense qu'on devrait avoir un niveau sonore qui reste équivalent. Justement, bon, la question est-ce que pendant qu'il pense, donc PLF qui ne sait pas, c'est historique, ça date de bien avant son arrivée. Est-ce que la musique et le micro, c'est au même niveau sonore? Ça, c'est aussi la question, parce que sinon, c'est le genre de plantage, hein, donc que j'aime pas trop ça. Hein. Voilà. Voilà, j'exprime mon mécontentement par avance, hein, parce que je suis sûr que ce qui marchait chez moi à la maison, il y a de fortes chances que ça ne marche plus une fois que c'est sur le stream. Il y a toujours des problèmes qui se posent dans ce genre. En tout cas, c'est déjà ce qui est arrivé avec de la radio hertzienne. Ah, c'est au même niveau. Ah ben voilà. Ben, comme quoi, bon ben, quand on se passe du compresseur limiteur, hein, la boîte à meux, il y en a même deux, hein, les deux en cœur, voilà. Ah, c'est pas mal non plus comme ça. Hein. Ça fait, on n'a pas souvent entendu des meux chanter en chœur, n'est-ce pas? Et ça fait son effet quand même. Hein. Donc, on va essayer. On reste d'ailleurs dans les réglages du niveau. On va mettre un peu de musique électronique pour voir. Donc, il s'agit de la langue de G-Max. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de langue tout à l'heure, on pourra faire partie aussi un morceau à propos de ça. Donc, la langue de G-Max, qui est donc sous quelle licence? Creative Commons by NCND 2.5. Voilà. We'll be right back. La langue, et oui, ça c'est ce que je suis d'ailleurs en train de tirer là, avec toute cette impréparation sur ce que je fais au micro. Il y a quand même quelque chose de préparé, néanmoins, qui ne sera pas improvisé là pour tout à l'heure. Hein. J'ai un petit bulletin de nouvelles, hein. Vous en saurez un petit peu plus là, quand ça va démarrer, juste que je relise un petit peu le texte, hein, que je relise, hein, parce que c'est une chose qui fait, qu'on n'improvise pas en revanche. Et c'est une remarque donc de PLF, hein, sinon perfectionniste comme tu es, je suis sûr que tes niveaux sont mieux réglés au premier coup que moi au 20e. Oui, enfin bon, là c'est aussi que j'ai passé du temps à préparer parce que j'ai pas envie de m'embêter à pousser des curseurs un coup au-dessus, un coup en dessous, et puis non, ça, j'avais déjà, on avait pas ce problème sur de la radio hertzienne parce que bah, c'était une radio commerciale, hein, avec compresseur, limiteur, 4 bandes, hein, donc il y avait les graves, les graves médiums, les médiums aigus et les aigus. C'était divisé en 4 donc 4 bandes de fréquence, et puis chacune était tout le temps au maximum. Alors on pouvait pousser un curseur vers le bas, vers le haut, dans n'importe quel sens, c'était toujours, le niveau était toujours au maximum, en permanence. Si on faisait passer par exemple le Boléro de Ravel, hein, le niveau sonore du début était strictement le même que le niveau sonore de la fin. Un massacre, du point de vue artistique en tout cas. Alors, bon, la publicité, ça passait parfois un petit peu plus fort, mais parce que là, il y avait des choses qui servaient à tricher au niveau du son, pour le rendre, pour donner l'impression. Mais ça passait quand même au même niveau sonore, mais il fallait quand même que ça, on le perçoive un peu plus. Quel dérange! D'ailleurs, ce n'était pas de la publicité, c'était des messages d'intérêt collectif. Mais enfin bon, c'était quand même pour des entreprises, donc c'était de la publicité. Radio qui a été rachetée par, d'ailleurs, la fréquence, hein, a été réutilisée par une radio qui est maintenant tout à fait commerciale, n'a plus rien d'associatif. Il ne doit plus y en avoir beaucoup, d'ailleurs, des radios associatives en France, hein, sur le RTN, à part éventuellement quelques radios religieuses, mais sinon, bon, ben. Il n'y a plus grand chose, hein. C'est triste à mourir, des radios qui font passer les disques de leur maison de disques, 40 chansons là qui passent comme ça en boucle pendant tout le mois, et puis des gens qui débitent des conneries au micro, un petit peu comme moi en ce moment, sauf que bon, les conneries qu'ils débitent au micro, ça sert à faire appeler, bah oui, on vous téléphonait au 08 92 machin truc bidule, évidemment 34 centimes la minute, ou bien vous envoyez un message SMS, alors, je dirais même un message sadomaso, puis au prix que ça coûte, hein. Voilà. Et puis, bon, pour être potentiellement gagnant, potentiellement, hein, évidemment, ils vont, le potentiellement, il est sous-entendu. Donc, voilà. Donc, pour continuer, ben, on va se repasser un petit peu de musique de nouveau, et on continue. Donc, je vous avais parlé de la langue, et bien, on passe de la langue au chat, évidemment. Et c'est en attendant Mado, alors, obtenir les informations, clé de droite, donc sous Creative Commons by MCSA 2.0, et le style, donc d'ailleurs je ne sais même pas si c'est moi qui ai donné ce style musical ou eux, c'est du, donc moi j'ai marqué, j'ai classé ça dans jazz, mais enfin mes classements sont peut-être contestables aussi. Donc Les Yeux de mon chat, qui avait été enregistré en 2004, c'est de l'album 21 minutes 20 sur Thermostat 7. Ah ben voilà, ben pauvre chat, hein, j'espère que c'est pas en rapport avec l'animal, parce que là franchement la SPA risque de se fâcher. Ça va partir tout de suite, un petit coup de barre d'espacement et youp, on va avoir un peu de gaz. Qu'est-ce que je vois dans les yeux de mon chat ? Quand tu me regardes assis sur le sofa, la misère du monde, le regard d'un enfant, ou une supplication au visage de gamelle. Oh, qu'est-ce que je vois dans les yeux de mon chat, quand son regard phosphorique inondule son corps. La vie de Paris la nuit, le mystère des gaïchas, où il a juste un peu le feu au cul, mon chat. Oh, dans les yeux de mon chat, qu'est-ce que je vois dans les yeux Katia. Un Mashbone Belgique ou Cabral en concert. Ou bien elle voudrait peut-être qu'elle retourne chez sa mère. Oh, dans les yeux de mon chat, qu'est-ce que je vois? Voilà, les œufs de son chat, bah, apparemment, non, ça va. Il ne l'a pas préparé en civet ni rien. Il n'y a pas de thermostat, c'est pas pour le chat. Et ben, c'est bien tant mieux. Donc, il se passe pas grand chose là sur le chat, alors peut-être faut-il dire où ça se passe. Donc, vous cliquez en haut sous le logo de Road Dog Magic, il y a un dessin d'une petite radio, il y a marqué Planète de la radio. Ben, vous cliquez là-dessus. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sur la page, eh bien, vous cliquez sur le bouton accès au chat en Java. Sinon, pour ceux qui ont un truc IRC, alors là, franchement, c'est totalement l'inconnu pour moi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, je suis pas du tout informaticien ni rien. Mais enfin, ceux qui ont ce qu'il faut, bah, ils sauront ce que ça veut dire. Il y a un serveur irc.united-irc.com, le port 6667. Et le chan liaise musique-libre, voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ceux qui ont ce qu'il faut devraient comprendre. Ah ben voilà, oui, comme quoi on peut parler dans un micro et raconter des trucs qu'on ne comprend absolument rien. Eh ben, ça ne me gêne même pas, non, même pas, honte. Et voilà. Donc, ça c'est mon truc de langage. Et voilà. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein, on me l'avait déjà fait remarquer à l'époque. Et voilà, c'était pour désannoncer les morceaux. C'est vraiment le truc à ne pas faire, mais on le fait quand même. De toute façon, vous prenez n'importe quel animateur radio, vous trouverez des types de langage, hein, surtout sur les radios locales. On leur demande de parler à toute vitesse, le plus vite possible. Pratiquement pas le droit de respirer, parce qu'il faut vraiment que le son passe en permanence. Pas de blanc, bah exprès d'en faire un, tiens. Ah ben oui, bah ici, voilà le même, voilà, c'est PELF qui a aussi des types, ben oui. C'est qu'on s'influence mutuellement peut-être, hein, entre tous ceux qui font de la radio, d'entendre des trucs comme ça. Bon, en fait, ici à la maison, j'écoute même pas tellement la radio, je l'entends surtout au travail. Et puis bon, je ne dis rien sur ce que j'entends, mais surtout... le beau blanc, oui, c'était pas un blanc de poulet, c'était un blanc de chat, non. Un pauvre kikinou, un pauvre minou, parce que là, on est vraiment en train de le torturer, quoi. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de faire. Donc, d'ici 20h30, vers 20h30, il y aura certainement un bulletin nouvelle, mais peut-être 20h30, parce que je ne suis pas sûr à 100% les horaires, de toute façon, bon, on n'est pas... dans les choses qui sont... voilà. Pelf vous a envoyé un nude. Oui, mais enfin, les nudes, ça fait pas grand-chose chez moi, là, sur MSN. Bon, moi, j'ai laissé MSN, mais on ne m'envoie pas de trucs qui clignotent, qui grignent, ou je sais pas quoi. Non, ça marche pas. On peut éventuellement m'envoyer un message, effectivement, mais... Il y a très peu, on n'arrive pas à les machins, je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs qui font vibrer les fenêtres. Ça, j'ai viré tous les sons de... j'utilise un truc là de chez MicroStrumpf. J'ai viré tous les sons, à part ceux qui doivent passer effectivement sur la carte son, c'est-à-dire quand je balance de la musique. Et d'ailleurs, aussitôt que je vais en balancer, Un morceau, voilà, ça c'est le morceau qui fait le titre, qui fait peur là dans la situation où je suis. Ça s'appelle, l'artiste s'appelle Géré, en général dans son genre. Bon, moi j'ai classé ça non électronique, hein, mais il me semble qu'il avait marqué comme genre, enfin ce qu'il avait tagué lui-même, c'est du Géré. Ça sort de l'album Cuisine Insonorisée. Ben voilà, ça, on reste un peu dans les histoires de thermostat d'ailleurs, sous Creative Commons by NCND 2.0. Et le titre, c'est « Exigence de l'auditeur ». Alors là, franchement, si ce titre, ça fait pas peur dans la situation de l'animateur radio qui doit balancer un truc pareil, qu'est-ce qu'il lui faut alors ? Voilà, avec nous sommes en train de battre des records d'audience. Hein. 5 auditeurs, ah, c'est absolument énorme. Hein. Je suis mondialement connu. Nous sommes donc sur Radio Dogmatique International. Et voici venu le moment de faire un bulletin de nouvelles, donc un bulletin d'information. Ça s'appelle un bulletin d'information. Ça commence. Monde. Monsieur Robert Mongrobébé, président sortant de la République de Zimbamboum et candidat à sa propre succession, a décidé de faire recompter les bulletins de vote de l'élection présidentielle selon de nouvelles modalités. En plus d'assurer sa réélection à l'unanimité selon la volonté inaliénable du peuple zimbabwéen, la nouvelle méthode de comptage fera appel à des scrutateurs qui ne sachent à la base ni lire, ni écrire, ni compter. Cette procédure servira aussi à former les scrutateurs en vue du remplacement des fonctionnaires actuels par du personnel qui aura appris comment lire, écrire et compter pour servir l'intérêt supérieur de la nation zimbabwéenne. Monsieur André Kousklot, ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sports de Zanzanie, a déclaré que pour son pays, il importait de ne pas mêler les questions politiques et les Jeux olympiques de Pékin. L'attitude des sportifs zinzanais consistera à gagner un grand nombre d'épreuves sportives et de médailles. Le communiqué de Mme Mazhong Tang, secrétaire d'État chargée de mission pour les Jeux olympiques de 2008 auprès du ministère des Sports chinois, fut cinglant et ne se fit pas attendre. Elle a déclaré une demi-heure plus tard dans une allocution télévisée qu'elle ne tolérerait aucune victoire d'un athlète zinzanais au cours des Jeux olympiques de 2008, aucun signe politique tangible n'étant autorisé par le règlement sportif. Europe. L'élection de M. Silvio Berlusconi au poste de président du Conseil italien n'est pas un phénomène isolé, mais une véritable tendance de fond de la politique en Europe et ne mérite pas qu'on s'en étonne selon les politologues. Les Italiens ont voté pour un chef d'État lifté, implanté, aux dents blanchies, botoxées et artificiellement brunies. M. Jean-Philippe Schmitt, porte-parole de l'Observatoire des politiques européennes, souligne dans son compte-rendu hebdomadaire que le président français, lui aussi, se fait brunir. France. L'ex-président de la République française, Jacques Chirac, s'il a quitté ses fonctions politiques, reste toutefois présent dans les médias français. Il est actuellement en négociation avec la chaîne de télévision privée TF1 pour devenir consultant de l'émission Téléfoot. Ces deux derniers jours, il a assisté à l'entraînement de l'équipe de France de football à Font-Romeu dans le but d'apprendre par cœur les noms des joueurs. La collaboration entre la rédaction du magazine Jeune et Pimpante et la toute récente Société pour la promotion du français moderne, en abrégé la SPFM, est un succès éclatant. D'ores et déjà, les anglicismes ont tous été corrigés, conférant ainsi une lisibilité, une compréhension et une clarté jamais égalées auparavant pour ce type de magazine. À titre d'exemple, dans le numéro à paraître ce samedi, la phrase suivante. Des fans de Johnny Hallyday ont reçu des flyers pour un cocktail VIP. A été remplacé par celle-ci. Des ventilateurs de Jeannot en vacances ont reçu des voleurs de coq habillés en vieille queue de pie. Voilà, c'était tout pour ce bulletin de formation. Vous êtes sur Radio Dogmatique International. Et voilà, c'était un bulletin de formation. Je vous l'avais promis, il est venu. Et donc, si je peux trouver encore d'autres choses de ce genre pour les prochaines émissions, je le ferai. Mais enfin, je peux vous assurer que c'est pas facile à trouver et à rédiger ces conneries. Hein. C'est des conneries, mais pourtant, c'est franchement pas évident. Voilà. Et bonjour, voilà, madame, Mr. Piggy Pop. Bonjour, et voilà que ça discute, hein, Viget RLSSR, hopla, oui, on a tout à fait le, il y a des jurons, non, en fait, coffre tackle, ça on a le droit de dire par contre, hein, le couvercle du coffre, on a le droit de dire coffre tackle, donc 5 auditeurs, hein, c'est énorme, je sais, donc qui a un bel accent anglais, oui, en fait, je parle anglais comme une vache polonaise en Espagne, hein. Donc c'est Mr. Piggy Pop, ça passe bien, il écoute sur VLC, je ne savais pas que ça marchait dessus, hein. Ouvrir un flux. L'écho c'était voulu, hein. L'écho c'était déjà dans le fichier, je l'ai rajouté exprès. C'est un écho même en stéréo, hein. Voilà. C'était dans le générique de début aussi d'ailleurs. Hein. Donc maintenant il faut que je prépare de la musique parce que je ne vais pas refaire passer exigence de l'auditeur. Hein. Non, ce titre ça fait vraiment trop peur, hein, quand on est dans la situation de l'animateur radio qui raconte n'importe quoi, qui ne sait pas quoi, qu'est-ce que je raconte, je débite absolument n'importe quoi dans le micro, mais c'est pas grave. Bref, je suis en situation de stress ambiance, de track intense. Ah bah voilà, de Paul Castella, de nouveau du jazz, Paul Castella ou Castella, je sais pas. Donc, sous une licence public domain, ça s'appelle Incertitude. Ah bah, ça c'est encore des circonstances, hein, et pourtant c'est des choses que j'ai prises au hasard, mais franchement, c'est vraiment, bon bah, je sais pas ce que c'est, donc c'est de l'incertitude. Voilà, le basse, et ça y est, hop là, c'est refait. Et maintenant, c'est du, donc d'une part, et voilà, je l'ai redit, à peine j'ouvre le micro, et puis immédiatement, quand je m'en rends compte, et hop là. Donc, le tic alsacien, après le tic de l'animateur, hein, c'est la collection, hein, franchement. Je demandais donc sur le chat, donc je rappelle l'adresse, hein. Donc, pour la partie où je comprends ce que je raconte, hein, sous la radio, sous la petite radio, là, en dessous du logo Dogmavic, vous appuyez sur planning de la radio, vous cliquez là-dessus, d'un coup de ragondin, puis après, sur accès au chat en Java, et là, ben, je suis là et je pourrais lire tout ce que vous écrivez. Et vous pouvez aussi lire les conneries que moi j'écris. Voilà. Enfin, je dois pas en écrire beaucoup, surtout j'en raconte. Et puis alors, pour ceux qui ont donc un client MIRC ou un XChat, alors je ne sais pas ce que c'est, mais ceux qui en ont le savent. Donc, serveur, c'est irc.united-irc.com. Le port 6667. Et le SAN, Dièse, musique libre. Voilà, musique libre avec un tiret entre. Sur le bulletin des formations, je demandais donc un avis si on pourra éventuellement en recommencer un, si j'arrive toutefois à trouver les conneries à raconter. Ça, c'était donc la question. Et sinon, c'est pareil, je suis toujours dans l'improvisation, l'impréparation totale, mais au moins, on sait que ça passe, que j'arrive à me connecter, et surtout que je n'ai plus de coupure de ligne. Alors là, j'avais depuis 15 jours des coupures de ligne sur l'Internet, et c'était un petit peu l'angoisse quand même, mais France Télécom, ça y est, hop là, j'ai fait de la pub, et j'ai redit le Talk Alsacien qui repasse au passage. Donc l'opérateur internet m'avait rappelé, ils avaient surveillé la ligne et ils n'ont rien trouvé de spécial. Mais donc j'avais vu PELF l'autre jour et donc ils m'ont confirmé que ça pouvait être possible. Il pourrait s'agir effectivement que dans l'immeuble, quelqu'un ait un vieux téléphone pas aux normes, quoi, genre un téléphone des années 60 acheté sur un marché aux puces, en Tchétchénie ou un truc comme ça. Tout à l'heure, j'ai aussi fait de la pub. MSN, ce sont pas des mécènes, hein, c'est vrai, voilà. Mais je suis sur AMSN, en fait. C'est de la pub pour un logiciel libre, c'est AMSN. Et oui, j'ai fait de la publicité clandestine, je m'en rends même pas compte. France quoi, je sais pas. Je n'ai pas de. France A, d'accord, je connais. Je ne sais pas ce que c'est que France A. France FRAN2SE, il aime écrire les choses comme ça. Donc, PELF, c'est le contraire du style sadomaso. Voilà. Et nouveau un blanc d'antenne, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, un petit blanc d'antenne, un peu de répit pour les oreilles, ça fait pas de mal, hein, et on a le droit de se reposer aussi quand on écoute la radio, d'avoir quelques blancs. Hein. Et monsieur qui dit voilà, est-ce que j'ai redit voilà, je vais devoir réécouter l'émission, hein, voilà. Et un petit. Justement, je disais que c'était pas des mécènes, hein, on va. À ce sujet, hein, on joue souvent des petites piécettes et de cartes. Donc, sous quelle licence d'ailleurs, Creative Commons by NCND 2.0, il a écrit et il a envoyé quelque chose sur Dogmazic qui s'appelle le coin-coin de la pièce. Et puis, alors, il feature, alors comment on dirait ça en français, hein, Astral Compost, il feature. Alors là, il va falloir peut-être demander à la toute jeune société, comment elle s'appelle de nouveau, la Société pour la promotion du français moderne, par quoi est-ce qu'on va ressembler, par quoi on va remplacer featuring. Ça, c'est également un anglicisme qu'il faut absolument enlever pour parler en français moderne. Et ça va partir, la musique, non, ça va pas, ça c'est un autre truc, hein, ça c'est un truc de Disney, hein, genre, ça va partir, ou ça commence comme ça. Et ça c'est le genre de choses, il faudra que je m'en débarrasse, mais je crois que ça va pas être facile, et que dans 10 ans, je ne m'en serai toujours pas débarrassé de tous ces types de langage. Donc, le coin-coin de la pièce. Les toilettes, une chambre d'où part un escalier, le salon, la cuisine, une salle de bain, une petite rampe qui mène au grenier. We'll be right back. Un corridor. Le corridor. La maison du réveil. Les larmes au seuil d'un couloir large. Tout bas. Avec le masque pour l'apnée, les yeux bouffants, mouvants. Deux portes. Une maison. Un jardin. Il y a le panier, il y a les grands. Deux portes tout à l'aise, qu'on passe à face, les risques, les gants, les bains. À droite, coton pige, les toits à l'étrange, système de boules rose pour qui à chaque passage de sa couple, les gens urgence, capus culotte. Nous sommes la maison hier après l'école, nous sommes l'escalier de pièces à véranda, nous sommes premier de chambre à l'étage de cuisine, porte-chambre en chambre, la porte d'entrée, le salon, la salle de bain terre. Angle fermé, la maison d'huile des corridorés, la terrassée, la cuisine, une pièce trad, chambre ou toile étrange, les armoires volants au grenier s'allongent en chambre, le corridor, odeur cuisine, les toilettages d'une maison vitrée, escalier, pièce une, maison courte avec trois pièces, trois cours, trois jardins, micro, micro, cuisine, agence et bain de frigo, bois à la linge, sauf facile, un appui-tétine, un tapiston. Une cheminée passe, des journaux en plus, ne bougez trois pas, une œuvre d'Alain. Des soupes dans les sacs à dos, des sangs, des droits de l'homme. D'un temps partout, on n'a pas de voir des gants de blague. Nous voulons bien voir des gants vers Jean-Pierre. Thank you. Et voilà, ça y est, j'ai refait. Donc vive la musique bizarre, la musique déstructurée, et puis en même temps, un peu de poésie en même temps, parce que bon, il y a un texte. Et donc, quelques petites remarques qui ont été faites à propos du morceau. Si je reviens en arrière, là, sur le chat, alors qu'est-ce que... Mr. Piggy Pop, c'est quoi cette zik? Et finalement, tu trouves ça pas mal. Pour la suite, là, on parlait sinon. Donc, ce que je disais, je vais relire ce que j'avais écrit. Hein, donc, malgré le titre, hein, donc le coin-coin de la pièce, hein, ce n'est pas une connerie, enfin, une chanson rigolote, genre danse des canards. Non, c'est quelque chose, tout à fait. On ne mettra pas ça dans un bal dansant, quoi. Hein. PLF qui trouve que ces Suisses sont forts et qui trouve ça sympathique. Il connaît en tout cas mieux que moi, quoi. D'Incise, a priori, participe à CARST. Donc là, je cite encore PLF. Voilà, et Mr. Piggy Pop qui a vu d'Incise à Strasbourg. De toute façon, l'émission va bientôt s'arrêter d'ici 7 minutes. Hein, si on respecte les horaires au pied de la lettre, hein, allons-y, on va devenir, bureaucrate, procédurier, tout ce qu'il faut. J'ai écrit de 20h à 21h, alors boum, à 20h je démarre, paf, à 21h je coupe. Voilà. On n'a pas de publicité à l'antenne, hein, il n'y a pas de truc comme ça, enfin en tout cas involontairement éventuellement, ce que j'ai fait tout à l'heure, et puis voilà, c'est ma très grande faute. Hein. Et ça y est, je ne sais de nouveau plus ce que je raconte, hein, là, c'est toujours pareil. Hein. Je suis lâché, comme ça on lâche, comme ça la bête dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Ben, la bête elle est complètement perdue, hein. C'est tout. Hein, il faut que la bête apprenne à connaître la nature. Voilà. Donc, petit titre encore de Raymond Bertrand, si ça vous dit. Sous Creative Commons by 2.0, La journée de Christine par Raymond Bertrand. Et là, bon, quelque chose, j'avais classé ça dans du folk. Je pense qu'il a dû classer ça dans chanson francophone, mais moi, je n'ai pas ce classement chez moi. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait aussi que je mette de la chanson finophone, de la chanson anglophone, de la chanson serbo-croate. J'ai viré cette catégorie de mon classement, et puis je cherche d'après la musique, ce qui est parfois assez problématique. Hein. Le CARST, là tout à l'heure, j'avais classé ça dans Noise. Hein, toujours chanson francophone, mais bon, elle n'est pas forcément francophone, la chanson. Et comme où commence la chanson, où s'arrêtent les autres genres. Donc moi c'est simple, chez moi j'ai viré le mot chanson et je mets les genres musicaux qui correspondent en fait à un petit peu l'esprit de la musique, hein, comment ça se passe du point de vue harmonique, les instruments et tout ça. Ce qui fait parfois un petit casse-tête, hein, pour savoir, mais D'ailleurs, je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi je classe ça dans les genres, puisque je ne m'en sers jamais. Eh ben, on va voir si Christine, elle sait quoi faire de ses journées, puisque moi, je classe des trucs dans des catégories comme ça, qui ne servent absolument à rien. Voilà, ben, j'ai rien d'autre à faire de ma journée. Donc, la journée de Christine, sur donc, l'album, hein, non, c'est pas un album d'ailleurs, c'est plutôt un label, hein, je crois, 109music.ca. Elle prend son café à la maison, regardant la ville de son balcon. Et au son de l'ennui, elle ne dort pas. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, non, non, non, ça n'a rien à voir. Elle voit la vie à sa façon, prétendant l'amour comme sa raison. Aux odeurs de midi, elle ne sort pas. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, non, non, non, ça n'a rien à voir. Non, je ne le répéterai pas, le tic de langage, je m'y ai pensé avant sur le chat. Ben, je sais au moins que la chanson a été écoutée par au moins une personne, par Mister Piggy Pop, puisqu'il s'est fait un bon délire sur les paroles, quoi. Il s'amusait à reprendre des bouts de paroles sur le fil de discussion. C'est maintenant 21h, c'est l'heure à laquelle on s'arrête, donc générique de fin, je vous remets la Gaillarde de Pierre Attagnan, composée en 1530 et puis jouée par moi-même au synthé avec en choisissant des jeux de violon qui n'ont absolument rien à voir avec l'instrumentation d'origine du morceau, mais c'est pas grave, c'est bien quand même. Alors, bonne soirée à tous, et puis ben, à une prochaine émission. J'ai déjà préparé quelques trucs qu'on pourra s'écouter, quoi. J'ai quelques listes de lecture à thème.